et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et aujourd'hui, je vous propose des classiques et des nouveautés. On aura Io Earth d'Angleterre et le Rovescio de la Medaglia d'Italie. On aura Rick Miller du Canada, RPVL d'Allemagne, Antoine Fafard du Québec, Isildur Sveen de Suède, Steve Hackett d'Angleterre. Ça, Steve Hackett, c'est une demande spéciale de Yves, un auditeur de Saint-Augustin de Desmaures, et il veut souligner le 40e anniversaire de Wind and Wuthering de Genesis. Alors, je vais lui proposer un extrait. C'est la pièce Afterglow. Ensuite, au quatrième bloc, on aura Utopianisti de Finlande, Slivovitz d'Italie et Sacred Lake des États-Unis. Alors, pour l'album de la semaine, à qui on consacre le premier bloc de l'émission, on aura la formation britannique Io Earth, qui nous propose son quatrième album studio. C'est un groupe qui existe depuis 2009, donc 9 ans. Et c'est le quatrième album qui s'intitule Solitude. C'est un album composé de 8 chansons qui totalise 73 minutes de bon rock progressif. Et Io Earth, c'est un groupe qui est constitué de 4 musiciens. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir en spectacle, mais ça vaudrait la peine. Je surveille ça de près. Si jamais on peut les entendre au Québec, moi, je me ferai un devoir d'y assister. Alors, de cet album-là, Solitude, j'ai extrait 3 pièces: Embrace, Race Against Time et Find a Way. Alors, on débute ça avec l'album de la semaine, Solitude. Thank you. Thank you.

Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation britannique IO Earth et trois extraits de leur plus récent album Solitude qui est paru en début de février de cette année. Après la pause, Il Rovescio de la Medaglia d'Italie et Rick Miller de Toronto. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ce qui va suivre, c'est un groupe italien, moi, que j'écoute depuis 1973. C'est le groupe Il Rovescio della Medaglia. Et c'est un groupe qui a été actif dans les années 70 avec trois albums, dont Contaminazione, puis il y a eu une version américaine de Contaminazione. Et par après, ça a été une éclipse totale là, pendant plusieurs décennies. En fait, ils sont réapparus en 2000 pour un album qui a fait un flop assez d'opinion générale. Là, ça a été un flop. La deuxième tentative en 2011 aussi. Mais ils sont revenus en 2016 pour un très bon Tribal Domestic. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un retour en 1973 et vous allez entendre quatre extraits de cet album-là. Habituellement, à l'émission, depuis quelques années, je fais passer surtout la face B. Mais là, je fais une petite exception. On va aller du côté de la face A et, avec quatre courts extraits. Et on va conclure le bloc avec Rick Miller, qui est un musicien torontois qui quand même roule sa bosse depuis 1983. Donc, on parle de 34 ans. Il nous propose un nouvel album, son 13e album studio, Delusional. Et on va entendre la pièce « The Garden of Forking Paths ». Ceux qui connaissent Rick Miller savent très bien que c'est un artiste qui débute ses chansons de façon très triste et mélancolique. Et puis après ça, il y a une explosion de musique assez joviale. Alors, c'est la même chose cette fois-ci. Et je vous invite à écouter ça. On commence par « Il Rovescio della Medaglia ». Thank you. Stamattina e ho chiuso gli occhi, e ho chiuso gli occhi, ho chiuso gli occhi. And God, He laughs. a choice is made, can't take it back. The signs ahead are overgrown, the forking path won't take you home. should choose this path today is my fortune told. Do other futures still exist for paths as yet unknown? Alors, ce qu'on venait d'entendre, c'est Rick Miller, un musicien torontois, avec la pièce « The Garden of a Forking Path ». Ça, c'est extrait de Delusional, son plus récent album, et ça a été précédé de 4 extraits de l'album « Contaminazione » du groupe italien « Il Rovescio della Medaglia », et ça, c'est paru en 1973. Après la pause, RPVL d'Allemagne, Isildur Svein de Suède, Steve Hackett d'Angleterre et Antoine Fafard de Québec. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous aussi rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter ça avec un groupe allemand du nom de RPWL. C'est un groupe qui est assez actif depuis le début des années 2000. Ils ont 6 albums studio à leur actif et on leur prête aussi plusieurs albums live. On les a fait à Québec à 2-3 reprises et notamment un des faits marquants là, de leur prestation, c'est lorsqu'ils ont joué les reprises de Pink Floyd, les chansons qui datent d'avant Dark Side of the Moon notamment. On en a fait jouer à l'émission à quelques reprises et ils ont aussi 3 DVD Blu-ray et le plus récent, mais c'est de A New Dawn et on va entendre la pièce Disbelieve. Ensuite, j'ai Antoine Fafard, qui est un musicien de Québec. Il a déjà 5 albums studio à son actif. Le dernier, c'est en 2017, c'est Proto Mundi. Puis avec cet album-là, bien, il venait un album bonus, c'est Doomsday Vault. Et on va entendre 13 Good Reasons. Et ça va être suivi de Isildur's Bane, un groupe qu'on n'entend pas souvent de ce côté-ci. C'est quand même actif depuis 1984, donc on parle de 34 ans d'activité. Il y a eu une éclipse cependant, et là, ils reviennent avec un 11e album studio. Et l'album s'intitule Off the Radar, et on va entendre la pièce Drive Part 1 to 3. Et en fin de bloc, nous aurons une demande spéciale de Yves, un auditeur de Saint-Augustin de Desmaures, qui veut qu'on souligne le 40e anniversaire de l'album de Genesis, Wind and Watering. Et ça coïncide, en fait, ça donne bien. La pièce Afterglow que je lui propose, bien, on va la tirer de la plus récente tournée de Steve Hackett, qui a célébré le 40e anniversaire par un spectacle. Et le spectacle qu'on a sur CD, et même DVD, c'est le Live in Birmingham. Alors, on va entendre, pour conclure le bloc, Afterglow. Alors, on débute ça avec RPVL. Some inner urge Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission Rock de Neurone, je vous propose un groupe de Finlande du nom de Utopianisti. C'est un groupe qui existe depuis 2011. Ils ont 4 albums studio à leur actif et moi, je vous propose un extrait du troisième album qui s'intitule The Third Frontier. Et la pièce, c'est Universe for Dummies. Et ensuite, nous aurons un groupe italien, Slivovitz, c'est un groupe qui existe depuis 2005, 4 albums studio et le plus récent, mais c'est un album live, Lever, et je vais vous proposer la pièce Egiziaccia. Ça c'est, je vais le prononcer comme faux, Egiziaccia. Et c'est extrait, comme je vous le disais, de l'album live de Slivovitz. Et on va conclure avec un jeune groupe de Californie, Sacred Lake. Ils ont indiqué pour la première fois en janvier de cette année. Ils nous proposent un album de 9 pièces. C'est quand même 88 minutes de rock progressif là, original pour des musiciens, des jeunes musiciens très dynamiques. Vous allez vous en rendre compte à l'écoute de la pièce « Free the City ». Et l'album s'intitule « Technology in Nature ». Alors, on débute ça avec « Utopianisti ». Thank you. Et c'était la formation américaine Sacred Lake et la pièce Free the City. Et c'est extrait de leur seul et premier album, Technology in Nature. Ça a été précédé de Slivovitz, un groupe italien dont on a entendu la pièce Epi. Je me suis enfargé au début du bloc, mais je recommence. Iggy Ziaccia. Ça, c'est extrait de Liver, leur premier album spectacle, enregistré en spectacle. Et au début de bloc, nous avions Uto Pianisti et la pièce Universe for Dummies. C'est tiré de leur troisième album, The Third Frontier. Ça, c'est un groupe de Finlande et l'album a été enregistré en 2016. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 188e émission de Rock de Neurone, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou. Et de plus, l'émission est disponible sur Internet. Celle que vous venez d'entendre aujourd'hui, bien, elle est disponible pendant une semaine sur SoundCloud. Et aussi, on a plus d'une centaine d'émissions archivées que vous pouvez accéder grâce à la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Sur cette page-là, bien, vous allez trouver en plus des liens pour les émissions archivées. Vous allez avoir aussi des photos des spectacles auxquels j'ai assisté. Vous allez avoir aussi des liens sur les chroniques que je rédige. Et en plus, vous avez bien entendu la playlist ou la feuille de route ou le canevas de l'émission avec le titre des pièces, le nom des artistes et le nom des albums, leur provenance et l'année d'émission. Alors, sur ce, je vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir pour une prochaine émission de Rock de Neurones.